Tu as été digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, Seigneur. Tu as brisé la malédiction de la mort, tu nous as donné la vie, Jésus. Samba ebi reprochete na vina ngai. Conquérant la yona sena moine nani. Samba salaka RRT a ebi libunga teo. Samba zanga te fond, samba zanga tache na vina ngai. C'est toi, Jésus. Olingo na yo baka kola kango teo. Olingo e transféranga de la mort à la vie éternelle. Tu as inscrit mon nom dans les livres de vie na makasian zotote. Tu as comblé mon cœur de ton amour infini. Oh Yesu, laisse-moi le dire, laisse-moi le chanter. Oh Adonai, laisse-moi chanter ton amour. Chant d'amour, poésie. Donne-lui des mots d'amour.